Djongonda Imene, taille avantageuse, beau gosse tendance, gaz na gaz. Papa Calvin et Nathan Gonda. Papa Jacques na mama Maïkilo, Imene Trading Abidjan. Maître Dorothée Madia, na docteur Rémi Lepria, c'est-à-dire 20 ans, va lire Rabilo Romoko. Félicitations. Déjà, Bolingo et Zalaki, côté Nabous, yo retiré chiffre d'affaires, y'a pas sentiment. Automatisé, motema, na ba crise d'affection, pour promulguer séparation sans référendum. Inflation, moi t'aimais déclarer faillite à Bolingo. Par retard à livraison, et attendre ses poussées dans la privatisation à mon démon. La raison qui liquide, acaba tête des briques. La raison qui liquide, déficit budgétaire. Mon banquier solidaire. Et ces bateaux de changer pas mieux. Nanaza client naturel. Eh hey, Betty Bongo, on dimba la merveille. Y'a Pascaline Bongo. Naina yo to ratifia traité ya Bolingo. Kasi le loco mi ko perdre légitimité. Naina yo to ratifia traité ya Bolingo. Kasi le loco mi ko perdre légitimité. Lolé député à majorité. Lolé moué koti efika balongo la lino. Yo bengi force de l'ordre badé chinga. Oh, freiné mutation. Des électrons libres d'amour n'a. Argile zananouna humidité. Balola motema, le fer est encore chaud à battre. Masangu et Eli, ma casa et Kaouki. Bambou le poké, Nicolé au Moussama. Nakozon Mboka, Kafi, Nalibou, Mama, Lizizité. Nicodème n'a pas compris ce que disait le grand Jésus. Le vieux Martin Fayou, le Fadenhaus et Kinbouf. Le pacificateur Vital Kamere. Réseau ya Bolingo et côté perturbation. Trafic est démontré que taux de change est grimpé. On n'est jamais son propre médecin d'amour. Embarqué au volant, zongé la vibration. Vitesse autorisée. Parachute avatar. Véhicule est surchargé. Cybercafé, traduction. Les a sans trahison. Lingana plus na yoka envoûtement. Nana mona lizibaya maite. Kasi lizibaya moto. Oh, Ngonda papa. Makasi ambisi ezala kaka na ibali. Jojo Ngonda imene. Mosu nyambisi. Boya moto eko kulaka. Miloko ya elengi tikeli nani nasani. Ata na miliki tena chaleur anzoto nona ko vivre. Jojo Ngonda imene. Makati ambiti kaka na ibole. Jojo Ngonda chéri nana. Mon souvenir mis, boya moto, elle est au courant. Loko ya ya, tikeli nani masani. Ata nani, kite na chaleur, nzoto non a ko vivre. Mon bébé, Jojo Ngonda. Yo lingi na sala nini sans toi. Je ne suis rien Bolingo sans toi. Beli maladie koti de désespoir. Yo ke wa yo kozong ambula minye. Nazo kake, nazo kake. Nazo kake, nazo kake. na na na ketchup bafana double click na mama Vinci na Marco Sisi yeah. Jean-Marie Lopoulasi et Yadema Donki Alain Kelo le garçon complet Nazana posa ya climatisation na saltamo Nazana posa ya automatisation ya système Naza kolela alimentation sobe gale Naza kolela tolindo na yo ya sukali Kamu zopi Dina nisipine lengi papata Deme ataba njeluna Kolo bare na peke moto moko apolina Depuis yo soa nana Koma dossier classé Bloqué bouke garde pona yo Oh oh oh Je ne suis rien bolingo sans toi Ma belle maladie continue de désespoir Yo que wa sozo ngula mini Nazo kokate Nazo lukana bosana nazo kokate Bolinga yo kolinga ye nazo kokate Double clique na tiro pole chulumbu ya meri Patine Sarasa na gigi Sarasa Bapa Henri Washington e bunti chocolat Lilu mande Olivier no masi tosta o memba Fideline Moussadi Jérémy Kazadi, les mignons, Riziboula, Martin Rocco, Cassius et Bongongo, Serge Palmi, la Palmeré chez Gigi Palmi, Laurette Mbayani, Nanou Banganga.